Sur cette route en réfection, le marquage au sol ne m'est pas d'un grand secours. En revanche, les panneaux sur le portique sont très explicites. Les flèches pointent les voies qui mènent vers Auxerre. Il s'agit de l'autoroute A38. Pour aller à Nevers, je devrais emprunter la sortie numéro 24 par une voie de décélération dont les lignes ne sont pas effacées. Je suis très bien placé pour prendre l'une ou l'autre direction, Auxerre ou Nevers. Réponse A et C.